Exemple. 07 62 88 93 70 A 01 71 44 84 90 B 07 91 69 81 92 C 01 77 67 86 96 D 06 72 73 91 75 E 04 64 74 73 89 F 05 49 84 77 61